Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai déjà plus ou moins abordé, mais pas sous cette version-là. On va parler aujourd'hui des problèmes cardiaques et particulièrement du cœur artificiel. Parce qu'on a pu voir qu'il existe un certain nombre d'évolutions au niveau des technologies et qui avancent de plus en plus vite. Et pour ce faire, nous allons avoir la première interview, celle du professeur Kindo, qui travaille justement sur le cœur artificiel. Professeur Michel Kindo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme assistance respiratoire circulatoire mécanique, ventricule gauche et cœur artificiel au sein de l'hôpital universitaire de Strasbourg. Alors, le cœur aujourd'hui, c'est quand même un élément important, indispensable à l'être humain. C'est un organe qui a une immense importance. Mais si nous faisions un zoom déjà, il existe un certain nombre de maladies cardiaques. Et pour en venir en parler justement par rapport à vos spécialités. Et justement, faisons un petit rappel. Quelles sont ces grandes, maladies cardiaques? Donc ces grandes maladies cardiaques actuellement sont effectivement l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut avoir plusieurs causes. Bien sûr, l'insuffisance cardiaque peut être liée à l'évolution défavorable d'un infarctus du myocarde, mais il y a également ce qu'on appelle les cardiopathies dilatées idiopathiques, c'est-à-dire le cœur qui se dilate et qui perd ses capacités de contraction. Après, d'autres maladies peuvent être responsables de ces insuffisances cardiaques, comme les patients qui ont malheureusement eu un cancer du sein et qui vont bénéficier d'une chimiothérapie et qui pourraient être toxiques au niveau du cœur, ou encore d'autres pathologies comme des troubles du rythme ou d'autres maladies des tissus myaux du cœur. Alors justement, au niveau des troubles, on va dire, cardiaques, est-ce que c'est une des plus grandes cause de problèmes de la santé aujourd'hui, et ne risque-t-elle pas de s'aggraver et de s'amplifier au cours du temps, vu un petit peu ce qu'on mange aujourd'hui, notre alimentation, la sédentarité, enfin ces différents facteurs? L'insuffisance cardiaque actuellement est un enjeu majeur de santé publique. Il faut savoir qu'en France, on a près de 1,2 million de personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est une cause extrêmement importante de décès. Plus de 22 000 décès en France sont liés à l'insuffisance cardiaque. C'est la première cause d'hospitalisation en France actuellement, avec plus de 200 000 hospitalisations en France. Et la mortalité associée à l'insuffisance cardiaque reste très importante, puisqu'elle est environ de 7,5%. Et il faut savoir que lorsqu'on rentre dans un processus d'insuffisance cardiaque sévère, les répercussions sur le côté fonctionnel, c'est-à-dire la répercussion de la vie de tous les jours, est extrêmement importante. Ainsi, une insuffisance cardiaque, la majorité des patients qui présentent une insuffisance cardiaque se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé et s'estiment fortement limités dans l'activité de la vie de tous les jours. Et c'est l'une des pathologies qui a sans doute une répercussion la plus importante sur la vie de tous les jours du fait de l'essoufflement que rencontrent les patients et qui les limite dans leur activité quotidienne et bien sûr dans les activités de marche ou sportives. Alors, quelles sont justement les grandes causes, professeur, avant de rentrer un petit peu dans des domaines un peu plus techniques, quelles sont les grandes causes de ces déficiences cardiaques aujourd'hui? La première cause, et ce qu'on disait effectivement, c'est la cardiopathie dilatée idiopathique. C'est, en termes plus simples, c'est une atteinte primitive du muscle cardiaque qui perd sa capacité de contraction. Et du fait de cette perte de capacité de contraction, la pompe, qui est le cœur, ne peut plus éjecter d'une part le sang de manière suffisante dans l'organisme, et en même temps ne peut plus aspirer, entre guillemets, le sang qui arrive au niveau du cœur. Donc les patients présentent un défaut de perfusion et également une stase. La deuxième cause, c'est les patients qui ont présenté des infarctus du myocarde et qui vont garder une séquelle de cet infarctus du myocarde avec un défaut également de contraction du cœur du fait de la présence d'une zone de nécrose au niveau du muscle. Après viennent encore plein d'autres pathologies qui peuvent être responsables mais moins fréquentes. Mais les deux premières causes sont les cardiopathies dilatées idiopathiques, cette atteinte primitive du muscle du cœur et l'infarctus du myocarde. Alors, pour résoudre justement ces problématiques, ces certaines déficiences, on a recours à des chirurgies, et notamment avec l'assistance circulatoire mécanique, dont justement vous travaillez, vous êtes responsable de ce programme à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Alors, qu'est-ce que l'assistance circulatoire mécanique, professeur ? L'assistance circulatoire mécanique sont des pompes qu'on va pouvoir implanter au niveau du cœur et qui vont permettre de remplacer cette déficience de fonctionnement du cœur. On a différents types d'assistance circulatoire mécanique. Les plus fréquemment utilisées sont des petites turbines qu'on implante au niveau de la pointe du cœur gauche qui vont aspirer le sang et qui vont éjecter le sang au niveau de la grosse artère qui part du cœur qui s'appelle l'aorte. Ces dispositifs ont connu un progrès très important au cours des 10 dernières années, avec maintenant des dispositifs de très petite taille qui peuvent être implantés par des chirurgies mini-invasives et qui permettent aux patients d'atteindre nouveau un niveau d'autonomie et de récupération tout à fait satisfaisante. Les autres dispositifs d'assistance circulatoire mécanique pour la longue durée sont bien sûr les cœurs artificiels qui ont été extrêmement médiatisés ces derniers temps, avec actuellement un cœur qui peut être utilisé en implantation dont le remboursement est obtenu et que nous implantons régulièrement qui s'appelle le syncardia, et bien sûr un cœur qui est en cours de développement dont les études sont en cours pour permettre la validation de l'implantation de ce cœur qui est le CARMAT qui a été développé par le professeur Carpentier conjointement avec la société Matra. Alors, quels sont justement, en revenant sur l'assistance circulatoire mécanique, je veux dire, quelles sont les grandes contraintes, les difficultés pour pouvoir pratiquer ces chirurgies et par la suite, au niveau des patients, quelles sont leurs contraintes, professeur ? Alors, le premier enjeu qu'il faut bien comprendre, c'est à qui s'appliquent ces thérapeutiques, avant de voir les contraintes. Les patients qui présentent une insuffisance cardiaque sévère terminale, c'est quoi ? Ce sont des patients, malgré un traitement médical optimal mis en place par nos collègues de cardiologie, continuent à être symptomatiques. Des symptomatiques de façon extrêmement sévère, c'est-à-dire que les moindres efforts vont être difficiles à réaliser du fait de l'essoufflement ou ces patients sont essoufflés de manière au repos. Mais en plus, du fait de cet essoufflement, on le sait de manière extrêmement précise, ces patients qui ont des insuffisances cardiaques sévères sont hospitalisés de manière itérative pour des nouveaux épisodes de décompensation. Et lorsque ces patients rentrent dans cette phase-là, le pronostic vital associé à l'insuffisance cardiaque sévère terminale sous traitement médical optimal est extrêmement péjoratif. Un patient qui est hospitalisé de manière régulière en insuffisance cardiaque sévère terminale, sa durée de survie à un an est de moins de 50%. Avec une qualité de vie déplorable. Donc bien évidemment, ces assistances sont pour ces patients l'opportunité, un, de vivre à nouveau, sans avoir ce risque de mourir de leur insuffisance cardiaque, et deux, de reprendre une vie quasi normale. C'est-à-dire que les patients qui ont ces dispositifs peuvent vivre à la maison de manière totalement autonome, peuvent reprendre leur activité physique et mener leur vie de façon quotidienne. Bien évidemment, ces dispositifs ont des contraintes. Ce sont des dispositifs qui nécessitent une alimentation électrique. Donc les patients ont un câble électrique qui va sortir au niveau de la paroi abdominale, qui est relié à des batteries. Mais il y a eu des progrès colossaux sur ces contrôleurs et ces câbles électriques qui fait que le patient maintenant a deux petites batteries qu'il accroche à sa ceinture et il peut vivre de façon tout à fait normale, conduire sa voiture, mener des activités sportives, voyager, se promener. Donc ça, c'est la première contrainte, c'est effectivement qu'il faut apporter une source électrique au dispositif et ceci donc impose d'avoir ces batteries qui sont connectées en permanence. La deuxième contrainte, c'est la nécessité d'avoir un traitement anticoagulant puisque le sang circule dans un appareil, dans une pompe métallique, entre guillemets, et donc il faut prendre un traitement anticoagulant, du Préviscan, que beaucoup de gens prennent, et d'ailleurs que beaucoup de patients à sang cardiaque ont déjà au préalable, et donc la nécessité de faire des prises de sang régulièrement. Et maintenant, depuis quelques mois, les patients peuvent même surveiller eux-mêmes cette anticoagulation à domicile. Donc ces dispositifs, la première chose, c'est le point positif, c'est qu'on augmente de façon extrêmement importante la survie des patients et surtout la qualité de vie de ces patients. Ils reprennent une vie normale sans être gênés par l'essoufflement, mais effectivement, il y a un câble électrique qui qui est connecté à une batterie pour permettre l'alimentation électrique et la nécessité de prendre un traitement anticoagulant. Est-ce qu'il est nécessaire, professeur, parce que ben, quelque part, on implante un corps étranger dans l'organisme, et l'organisme a un système immunitaire et de défense, d'avoir un peu à l'image, si on fait une transplantation, avoir un traitement pour éviter qu'il y ait des anticorps qui réagissent, qu'il y ait une réaction par rapport à l'opération ? Absolument pas. Ces dispositifs sont fabriqués effectivement avec ils sont en métaux. C'est comme une prothèse de hanche, c'est comme une prothèse valvulaire cardiaque mécanique. Il n'y a aucun phénomène de rejet. L'élément important, c'est toujours prévenir l'infection. Donc il y a des soins au niveau de ce câble électrique qui sont réalisés souvent par le patient ou par l'épouse ou par une infirmière à domicile. Mais il n'y a aucun phénomène de rejet. Est-ce que combien de temps dure une telle opération en moyenne en général et cela demande un certain temps d'hospitalisation du patient ? Bah, pour l'hospitalisation, on va compter une quinzaine de jours et après une rééducation de 3 à 4 semaines. Tout dépend dans quel état effectivement arrive le patient. Il faut bien comprendre qu'un patient à insuffisance cardiaque initialement souffre d'un défaut de fonctionnement de ce cœur. Du fait du défaut de fonctionnement de ce cœur, le patient ne réalise plus d'activité physique et donc va perdre tous ses muscles. Et l'enjeu de l'implantation de cette assistance ventriculaire gauche ou de ces cœurs artificiels, c'est de bien sûr rétablir la perfusion immédiate que font ces machines, mais après le patient doit récupérer ses muscles pour réaliser de nouveau ses activités physiques. L'assistance cardiaque est une atteinte du muscle cardiaque, bien évidemment, mais qui va avoir une répercussion sur l'ensemble de l'organisme et notamment sur les muscles. Donc le patient, pendant cette rééducation, va faire du vélo, va faire du tapis roulant, va faire de la marche pour pouvoir acquérir à nouveau ses muscles et avoir à nouveau une activité physique normale. Cardiaque. La deuxième option qu'on a actuellement encore en France, c'est des cœurs cette fois-ci implantables. Le seul qui est autorisé en implantation est le système Syncardia. C'est un cœur qu'on va implanter sur le cœur du patient, c'est-à-dire qu'on enlève les ventricules qui sont malades du patient au niveau du cœur et on vient coudre des ventricules artificiels sur l'oreillette droite et l'oreillette gauche qui sont les chambres d'admission du cœur. Ce dispositif, même chose, va permettre d'assister le cœur droit et gauche. Et bien évidemment, ces dispositifs sont utilisés chez des patients jeunes dans l'attente d'une greffe cardiaque. Et comme ça a été extrêmement médiatisé, il y a un nouveau dispositif qui est développé par une société française qui s'appelle Carmat. Cette société a été créée en conjointement par le professeur Carpentier, qui est chirurgien cardiaque à Paris, et par le groupe Lagardère, notamment la société Matrin, pour permettre une assistance des cœurs droite et gauche. Il s'agit également d'un cœur total artificiel. On va enlever les ventricules qui sont malades et on va venir coudre cette prothèse cardiaque au niveau du cœur. Et cette pompe, ce Carmat, va pouvoir travailler, remplacer le cœur, éjecter de nouveau le sang. Les avancées sont colossales sur ce cœur, par le niveau de technologie qui est présente au niveau de ce cœur, par les surfaces à l'intérieur du cœur qui sont recouvertes de surfaces naturelles, entre guillemets, du péricarde qui est prélevé sur du veau, et des valves qui sont également utilisées tous les jours en chirurgie cardiaque, qui sont fabriquées à partir de ce péricarde de veau. Le grand espoir du Carmat, c'est effectivement de permettre une assistance avec un système qui est électrique, donc des batteries plus petites, soit dans l'attente d'une greffe cardiaque, soit de manière définitive. Et bien évidemment, c'est de pouvoir réduire les risques liés à l'anticoagulation en arrêtant l'anticoagulation au bout d'un moment de ces malades pour qu'ils puissent avoir moins de risques de complications hémorragiques ou emboliques liées à un traitement anticoagulant. Pour l'instant, le système Carmat est en cours d'évaluation. Nous avons participé au sein du CHU de Strasbourg à la phase initiale, l'opération des 4 premiers patients. Et vous savez sans doute que l'étude est encore en cours. On est dans une phase maintenant internationale où le cœur est testé et implanté chez des patients au niveau européen. Quelles sont les grandes, je vais dire, difficultés justement aujourd'hui ? Parce que il y a là, on implante, je veux dire, un cœur artificiel, c'est-à-dire que derrière, il y a des grands risques de rejet. Alors, les phénomènes de rejet ne sont pas présents, entre guillemets, puisque le rejet se fait sur des surfaces qui sont synthétiques. Donc c'est comme une prothèse de hanche globalement. Pour le système Carmat, on a les concepteurs, donc le professeur Carpentier, a eu l'idée de recouvrir les surfaces de contact avec le sang de péricarde. Le péricarde est une structure biologique. Donc notre grand espoir est de pouvoir, chez ces patients, arrêter tout traitement anticoagulant. Mais des rejets à proprement dit, on n'en a pas. C'est comme pour une prothèse de hanche, comme une prothèse de genou ou une valve cardiaque. Donc pour l'instant, le CARMAT est en cours d'évaluation. On a 7 patients implantés qui ont été implantés à travers le monde. Et actuellement, c'est bien sûr évaluer l'efficacité du dispositif et sa performance sur le long terme. Quels sont les grands progrès que par rapport au CARMAT que vous êtes en attente? Alors, le progrès le plus important qu'on espère voir arriver dans les 5 prochaines années, c'est la disparition du câble électrique, donc qui est placé dans la paroi abdominale et qui va sortir à côté du nombril. La disparition de ce câble électrique va être un progrès colossal. Les progrès donc sur ce câble électrique, les sociétés qui travaillent dans le développement de cette transmission d'énergie, c'est la transmission d'énergie transcutanée. Les patients auront ces dispositifs avec une batterie interne qui aura une autonomie, on espère, de 4-5 heures, et ils auront un système de transmission d'énergie transcutanée, c'est-à-dire que quand ils seront à la maison, ils auront des bornes d'émission de l'énergie. Lorsqu'ils seront dans leur voiture, il y aura une housse qui couvrira le fauteuil qui transmettra l'énergie. Et quand ils se promèneront dehors, ils mettront simplement un gilet où les batteries seront glissées et ils se promèneront avec ce gilet. L'intérêt, c'est bien évidemment aussi dans la vie de tous les jours, pour dans le futur, ne plus avoir ce câble électrique. Ben, c'est des gens qui pourront nouveau nager, qui pourront prendre des bains et qui pourront avoir des activités physiques sans avoir le système de câbles qui traverse cette paroi abdominale. C'est le très grand progrès qui est attendu dans les 5 prochaines années. Les autres progrès, ça va être encore des dispositifs plus petits qui vont arriver. Donc actuellement, les dispositifs sont vraiment, on est en troisième génération, donc sont de très petite taille. Et nous avons des dispositifs qui sont en cours de développement et d'expérimentation qui vont être encore de plus petite taille. Donc, toutes ces chirurgies seront réalisées de manière extrêmement mini-invasive. Nous avons déjà, avec ces nouveaux dispositifs de troisième génération ici à Strasbourg, toutes nos implantations se font de manière mini-invasive, c'est-à-dire qu'on fait des petites incisions pour les implanter, et bien sûr, ceci favorise la récupération post-opératoire et diminue les complications post-opératoires. Quels sont, en moyenne, le temps d'opération? Parce que c'est quand même une très lourde, une grosse opération. Et comment ça se passe d'un point de vue technique, professeur? Il y a toute une équipe qui est autour en tant que... vous, chirurgien, mais il y a aussi l'anesthésiste. Donc, c'est quand même une chirurgie très lourde. Alors, ce n'est pas une chirurgie très lourde. Parce que c'est une chirurgie qui devient de plus en plus fréquente. Et c'est ça qu'il faut vraiment sortir de l'esprit des gens et de nos collègues cardiologues. C'est qu'un patient, lorsqu'on fait, par exemple, l'implantation d'une assistance ventriculaire gauche, on a bien sûr, comme pour une chirurgie standard, un anesthésiste en salle, on a besoin d'un perfusionniste qui est la personne qui s'occupe de notre machine, qui remplace le cœur le temps de l'opération. Et bien sûr, nous sommes généralement 2 ou 3 chirurgiens. Cette chirurgie va être réalisée en 3 à 4 heures, donc c'est-à-dire qu'on est à peu près sur des durées d'une chirurgie de pontage coronarien. Et en plus, cette chirurgie, comme je vous le disais précédemment, on la réalise maintenant à Strasbourg de manière systématique, de manière mini-invasive, c'est-à-dire qu'on fait une petite incision au niveau de la paroi latérale du thorax et une petite incision sur la partie haute du sternum, c'est-à-dire l'os qui est en avant. On n'ouvre plus tout l'os du sternum. Et donc, cette chirurgie devient une chirurgie relativement standard. Bien évidemment, c'est totalement différent si on est dans un contexte d'urgence, avec un patient qui est en instabilité sévère, on doit opérer en urgence, et qui a un état avant la chirurgie extrêmement précaire et réservé. Mais notre but, c'est de proposer de plus en plus cette chirurgie de manière réglée, parce que dans ces cas-là, c'est une chirurgie courante. On commence le matin à 8h et on a fini à 12h, 13h, cette chirurgie avec un patient qui va rester 2 à 3 jours en réanimation. Donc c'est ça qui est important, c'est ôter de l'esprit des gens que c'est une très grosse opération. Non, c'est une opération de chirurgie cardiaque, c'est évident, mais qu'il faut totalement démystifier. Et actuellement, nous programmons régulièrement ces chirurgies et c'est rentré, entre guillemets, dans les habitudes du service. Est-ce que derrière, il y a une rééducation? Comment ça se passe? Parce que je pense qu'il est nécessaire aussi d'avoir un accompagnement, le retour à la maison. Comment ça se passe-t-il, professeur? Donc nous, dans notre service, on a la chance, et c'est extrêmement important d'avoir ça dans les services, on a une infirmière coordinatrice d'assistance. Cette infirmière va suivre avec le médecin les patients, va assurer ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, former le patient à l'utilisation de cette machine, qu'est-ce qu'il doit surveiller, comment il doit faire ses pansements. On forme également les époux, les épouses, la famille. Cette infirmière va aller à la rencontre des infirmières à domicile, des médecins traitants, des cardiologues que nous formons. Ainsi, les patients, une fois qu'ils quittent notre service, vont d'abord dans un centre de rééducation, où ils vont travailler avec des cardiologues et des kinésithérapeutes spécialisés, où ils vont faire du vélo, de la marche, et continuer donc à apprendre à utiliser cette machine tout en réalisant les efforts physiques. Et une fois qu'ils sont à domicile, la plus fréquemment actuellement pour nos patients, c'est eux-mêmes ou leur épouse ou époux qui réalisent le pansement, et notre infirmière coordinatrice recueille les informations par téléphone. Ainsi, les patients nous appellent pour nous donner les paramètres biologiques, pour nous donner les paramètres de la machine, et nous revoyons les patients ici dans le service tous les deux mois. Actuellement, le patient le plus âgé que nous suivons a 79 ans pour l'assistance définitive. La moyenne d'âge pour cette population dans notre service est de 73 ans. Donc nous avons une population qui est âgée, mais qui vit très bien avec cette machine. Et les patients sont, dans la majorité des cas, asymptomatiques, restent des activités physiques. Chez des patients qui voyagent et qui retournent, par exemple, dans leur pays d'origine, au Maroc, réaliser un mois de vacances, ou bien des patients qui vont voir leurs enfants à l'étranger, ou des patients qui voyagent en camping-car. Donc, ce qui prouve bien que la qualité de vie est présente avec ce type de dispositif, et que ce type de dispositif doit être proposé à ces patients qui présentent des insuffisances cardiaques sévères, terminales, sous traitement médical optimal. Professeur Michel Kindo, merci pour cette interview. Je rappelle que vous êtes responsable du programme assistance circulatoire mécanique ventricule gauche et du cœur artificiel au sein de l'hôpital universitaire de Strasbourg. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce dispositif. Merci, professeur. On voit qu'il y a eu des évolutions technologiques, mais il reste encore beaucoup d'attentes et beaucoup de questionnements. Et aussi de développement au niveau de la recherche pour qu'un cœur artificiel soit vraiment efficace et efficient durablement, et en plus qu'il devienne autonome. Maintenant, nous allons avoir l'interview de Madame Pascale Gray, qui va nous parler de la chirurgie cardiaque pour les enfants du monde. Donc c'est une association qui participe à traiter les problèmes cardiaques des enfants. Madame Pascale Gray-Lacour, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes directrice du pôle médical au sein de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Alors, pouvez-vous nous expliquer vos fonctions, mais aussi cette organisation de mise en place, de prise en charge de ces enfants? Tout à fait. Alors, l'association accueille environ 230 enfants par an qui viennent de 65 pays différents. Il faut bien évidemment recevoir des dossiers pour qu'on puisse étudier leur cas et voir s'ils sont légitimes d'une prise en charge. Donc, les dossiers arrivent jusqu'à notre association. Ils sont étudiés par un collectif de médecins et de chirurgiens pour savoir quelle chirurgie on peut leur proposer. Et en fonction de tout cela, ils sont dirigés vers un des 11 hôpitaux avec lesquels nous travaillons régulièrement, des services de chirurgie cardiaque pédiatrique qui prennent en charge régulièrement nos enfants. Donc. Alors, quelles sont les pathologies? Elles sont plus ou moins lourdes? Comment ça se passe? Elles sont même assez lourdes parce que la plupart des enfants que nous prenons en charge, s'ils avaient eu la chance de naître en France, auraient été opérés dans leur toute petite enfance pour vraiment une grande partie d'eux. Et nous avons ce qu'on appelle des cardiopathies congénitales vieillies, même si elles s'adressent à des enfants qui ont 3 ou 4 ans, ce qui est particulier quand même de dire qu'on a une cardiopathie vieillie quand on a 3 ans, c'est particulier. Mais en fait, ce sont des enfants qui en France auraient été opérés dans les premiers mois de leur vie. Est-ce que ça compte? Forcément des cardiopathies lourdes, absolument. Lourdes. Et donc, est-ce que ça complique aussi ces prises en charge, ces traitements par la suite? Alors, ça peut donner des suites opératoires un peu plus compliquées et longues que la plupart du temps. Ça demande beaucoup de patience, ça demande aussi bien que pour les équipes médico-chirurgicales, paramédicales, que les familles d'accueil, ça demande vraiment d'avoir de la patience et de bien réfléchir à ce qu'on va proposer à ces enfants. Après, c'est une chaîne solidaire autour de ces enfants et tout le monde prend le temps de la réflexion et de vraiment proposer ce qu'il y a de mieux pour ces enfants. Est-ce qu'il y a eu des enfants aussi qui ont passé plusieurs séjours dans votre fondation? Oui, tout à fait, parce que une des caractéristiques de notre association, c'est que nous avons un suivi de nos enfants. On en a opéré 3050 depuis 20 ans. Et sur ces 3050, on a à peu près 85% de nouvelles de nos enfants. Ce qui nous permet de voir, parce que la chirurgie cardiaque, c'est pas seulement une seule intervention pour certaines cardiopathies, ça peut être deux ou trois. Ça nous permet donc de suivre régulièrement nos enfants et d'être là au moment où on doit reproposer une intervention. Et ces enfants sont repris par l'association, bien sûr. Est-ce qu'il y a des pays qui sont, plus représentatifs que d'autres ? Oui, en fait, tous les pays d'Afrique sont des correspondants. Ça représente 75% de nos prises en charge, l'Afrique, avec quelques pays d'Asie, quelques pays du Moyen-Orient. On travaille beaucoup avec les enfants de Syrie et d'Irak, et ça depuis toujours. Et malgré les difficultés, depuis 10 ans, on continue à faire venir ces enfants. Voilà, ça représente un peu la totalité de nos enfants, 75% d'Afrique de l'Ouest et le reste partagé entre l'Asie et le Moyen-Orient. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez justement pour pouvoir développer ces prises en charge et pouvoir opérer ces enfants? Alors, les difficultés, je dirais pas que c'est les difficultés. Enfin, comment dire? Bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, plus on a d'argent et plus on peut faire venir d'enfants. À la limite, c'est peut-être la seule difficulté. Parce que pour le reste, on a maintenant, grâce à une formation des médecins qu'on avait organisée il y a 12 ans maintenant, on a réussi à former à peu près 150 cardiopédiatres dans tous les pays d'où viennent nos enfants. Et ce sont devenus des référents très, très solides. Donc, on a moins de difficultés qu'avant. C'est-à-dire que les diagnostics sont mieux posés, le suivi est mieux fait, l'organisation est meilleure. Ça s'arrange. Voilà, les choses s'arrangent. Après, les difficultés, c'est ce que ces enfants arrivent avec toute leur histoire et tout ce qui peut être inconnu. Alors, ils arrivent avec leur pathologie cardiaque et puis ils peuvent arriver avec aussi d'autres petites surprises et qui peuvent rendre les choses difficiles quand on ne peut pas les opérer, qu'on n'a plus rien à leur proposer. Voilà, c'est ça qui peut être compliqué. Et en général, comment ça se passe? Il y a un accompagnement des parents qui se font avec? Non, les parents ne viennent pas, jamais. Et la première raison, c'est que les parents, d'abord, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ont d'autres enfants à gérer. Il n'y a pas du tout la même aide sociale dans ces pays. Les gens se débrouillent. Bien sûr. Donc, les mamans, elles n'ont absolument pas la possibilité de se déplacer parce qu'il y a d'autres enfants à la maison. Et les papas, ils nous ont toujours dit, d'ailleurs, mais moi, comment vous voulez que je vienne? Parce que, de toute façon, sinon, je perds mon travail. Donc, ce n'est pas possible. Donc, les enfants viennent grâce à notre association qui s'appelle Aviation Sans Frontières, avec qui nous travaillons depuis toujours, qui sont des navigants, d'anciens navigants d'Air France, qui vont chercher les enfants et qui ramènent les enfants après. Et on ne voyage jamais seul. Ils voyagent jamais seul. Donc il y a une prise en charge qui est faite du pays jusqu'au retour. Et, en moyenne, le temps d'hospitalisation de ces enfants, allez me dire, ça dépend des pathologies. Le temps de séjour. Le temps de séjour, c'est 2 mois en France. Après, en fonction de la gravité des malformations, bien évidemment, on peut être hospitalisé 2 jours ou 7 jours. Mais ça, la moyenne, je pense que c'est 4 jours si on peut faire une vraie moyenne. Et puis après, il y a quand même 5 ou 6 jours de convalescence. Et après, la seconde convalescence dans la famille d'accueil de nouveau. Madame Pascale Guéret-Lacour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice du pôle médical au sein de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont le site internet, on peut retrouver des informations, aussi accompagner, faire des dons, c'est www.mécénat-cardiaque.org, www.mécénat-cardiaque.org. Merci madame. Merci, monsieur Blandin. Nous arrivons à la fin de cette première partie d'émission. Ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une courte pause musicale et on va revenir juste après ceci. C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. Pas Tokyo, et il fait si chaud. Bienvenue sur la mer. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine hebdomadaire Libre-Échange. Dans la continuité de notre émission, nous allons avoir l'interview du professeur Pascal Leprince, qui est chirurgien et qui travaille à la Salpêtrière et qui va nous parler de la transplantation cardiaque. Professeur Pascal Leprince, bonjour. Vous êtes responsable au sein de l'Institut de cardiologie au sein du groupe hospitalier de la Salpêtrière. Vous travaillez donc sur les différentes pathologies de chirurgie cardiaque. Alors, quelles sont, on va présenter peut-être déjà dans un premier temps votre service et un deuxième temps, parler un petit peu des principales pathologies que vous traitez. Alors, Pouvez-vous présenter votre service ? Donc, le service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière, tout d'abord, historiquement, c'est le service qui est dans la continuité de ce qu'avait créé Christian Cabrol, dans les années 80, hein, c'est dans les années 70-80, c'est juste la continuité entre, il y a eu Hirage dans le bac, Alain Pavie, et c'est moi qui ai pris la direction du service, après ces personnages illustres. Un service de chirurgie cardiaque, avant tout, c'est fait pour opérer des patients qui ont des pathologies cardiaques, que ce soit le plus souvent quand même des patients qui ont des maladies coronaires et on fait des pontages, ou des pathologies valvulaires et on fait soit des réparations, soit des remplacements valvulaires, sans oublier la chirurgie de l'aorte, etc. Et puis au sein de cette activité, on a une spécificité, mais qui au sein du service est une petite spécificité, et en même temps, si on regarde d'un point de vue international, une très grosse spécificité. Donc une spécificité qui concerne l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi ? C'est quand le cœur ne marche plus. C'est-à-dire que une grosse partie de notre activité, c'est réparer les cœurs, et malheureusement, quand le cœur ne fonctionne plus, bah, il faut le changer, le remplacer, soit par un cœur biologique, ça s'appelle la transplantation cardiaque, soit par un cœur mécanique, et ça s'appelle l'assistance circulatoire ou le cœur artificiel. Alors juste pour donner quelques chiffres, pour situer les choses, en termes de transplantation cardiaque, on réalise à peu près 20% à 25% des transplantations cardiaques réalisées en France tous les ans, ça représente à peu près 90 patients transplantés, ce qui nous situe dans les 3 à 4 premiers centres dans le monde. Donc on reste un gros centre leader en termes de transplantation cardiaque. Et en termes d'assistance circulatoire et de cœur artificiel, on est le premier centre en France avec environ une cinquantaine d'implantations tous les ans. Donc voilà quelle est cette partie très spécifique de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est forcément, à la fois en termes de chiffres, on a l'impression que c'est pas grand-chose, et même dire 90 d'un côté, 50 de l'autre, c'est pas grand-chose par rapport aux 2000 patients qui sont soignés tous les ans dans le service. Et en même temps, ce sont des pathologies dans lesquelles on demande un investissement particulièrement important de l'équipe, parce que ce sont des pathologies lourdes, et donc des traitements lourds, avec des suites compliquées parfois. Et donc tout ça, ça nécessite un très très gros investissement de toute l'équipe médicale et paramédicale. Alors aujourd'hui, il existe un gros problème justement de dons d'organes. Est-ce que les dons d'organes, notamment pour la transplantation cardiaque et pulmonaire, vous aussi, vous faites demande, appel à dons ? Alors oui, forcément. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte, par exemple européen, parce que même si on a forcément un défaut de dons d'organes par rapport au nombre de patients qui sont en attente de transplantation. Alors, en ce qui concerne la transplantation cardiaque, en tout cas, si on regarde par rapport à un certain nombre de nos collègues européens, on est plutôt mieux lotis. En France, on a à peu près 6 transplantations cardiaques par million d'habitants. En Allemagne, c'est de l'ordre de 2 à 3 par million d'habitants. Donc nettement moins. Donc en Angleterre, c'est la même chose. Donc on est plutôt un pays où les gens restent généreux vis-à-vis du don d'organes, et ça je pense qu'il faut le mentionner. On n'est pas dans un pays d'ingrats qui ne souhaitent pas faire en sorte que les organes soient utilisés pour la transplantation. Maintenant, fort heureusement, je dirais qu'on a fait des progrès dans les réanimations de des patients accidentés de la route, etc., qui avant étaient des vrais pourvoyeurs de dons d'organes, malheureusement. Maintenant, c'est vrai que ces patients souvent sont réanimés dans des bonnes conditions avec des bons résultats et ne sont plus pourvoyeurs d'organes. Et donc, on a plus souvent affaire à des patients plus âgés, plutôt qui décèdent d'accidents vasculaires cérébraux, de pathologies hémorragiques intracérébrales, des choses comme ça. Et donc, forcément, on a affaire à des donneurs plus âgés qui compliquent un petit peu l'utilisation de ces organes. Et donc, ce qui fait que parfois, on est amené à récuser certains donneurs. Mais globalement, on peut dire qu'actuellement, pour la transplantation cardiaque, on a malgré tout deux receveurs pour un donneur. Donc vous voyez, on a encore à peu près 50% des demandes qui ne sont pas complètement couvertes par le don d'organes. Donc bien malgré tout, il est encore nécessaire qu'il y ait des donneurs et de personnes qui soient sensibles à cet appel-là. Alors quelles sont les difficultés, professeur, justement de faire une transplantation cardiaque ? C'est la compatibilité déjà entre le donneur et le receveur ? Je dirais que la difficulté, c'est un tout. C'est déjà de faire un bon bilan exhaustif avant la transplantation. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne équipe qui va prendre en charge l'insuffisance cardiaque, qui va voir les patients en temps et en heure, qui va bien les gérer avant, qu'on n'arrive pas trop tard avec des patients pour lesquels il devient très compliqué, physiologiquement parlant, de faire de la transplantation, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire avec, bien sûr, les chirurgiens, mais aussi les cardiologues, les anesthésistes-réanimateurs, les coordinateurs et coordonnatrices de transplantation, les infirmières et les correspondants qui sont à l'extérieur des hôpitaux. Sans ce réseau-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc la difficulté, elle est là, c'est de bien coordonner tout ça, entre le bilan pré-transplantation, qui doit être bien réalisé, exhaustif. Au moment de la transplantation, c'est bien sûr, parfois, ça peut être des difficultés un peu techniques lorsqu'on a affaire à des patients qui ont déjà été opérés plusieurs fois. Là, je dirais, la compatibilité est parfois rendue compliquée par des problèmes immunologiques, d'anticorps, etc. Mais ça représente à peu près 20 à 30% des patients. C'est pas tous les patients. Et puis, la difficulté, c'est l'organisation, parce que c'est vraiment une vraie chaîne de solidarité qui se met en place pour un patient à un instant donné, avec une équipe qui va aller prélever, avec des transports, que ce soit par la route, par les airs, avec une équipe qui va rester sur place pour préparer le receveur. Et puis tout le monde, finalement, va se retrouver autour du même patient en train de transplanter. Et sans oublier les suites opératoires, les anesthésistes réanimateurs qui vont gérer ces patients en post-opératoire, les reprises chirurgicales, s'il y en a, et les cardiologues qui vont de nouveau reprendre la main derrière pour le suivi. Parce que faire une transplantation sans avoir un suivi et un bon suivi de qualité, c'est globalement ne servir à rien. Donc il faut vraiment, si on veut que la transplantation serve de longtemps aux patients, il faut vraiment qu'on puisse suivre ces patients et les traiter convenablement, notamment contre le rejet, mais aussi contre d'autres complications qui peuvent survenir. Alors c'est une intervention qui est très lourde. En moyenne, combien de temps dure une telle intervention, professeur ? Il faut dire qu'au bloc opératoire, en moyenne, ça va être entre 8 et 10 heures. Et puis quand on regarde vraiment une transplantation, entre le premier coup de fil et la sortie du bloc opératoire, c'est un minimum de 12 heures de toute façon. Ensuite, par la suite, le patient, il est en rééducation. Comment cela se passe-t-il ? Oui, à la sortie d'hôpital, l'hospitalisation, c'est entre, si tout se passe bien, c'est entre 15 jours, 3 semaines. Après, on a des patients extrêmement compliqués qui peuvent passer déjà plusieurs mois à l'hôpital avant de sortir. Et donc, on imagine bien qu'après tout ça, il y a besoin d'une bonne réadaptation. Et donc là, les patients partent dans un centre de réadaptation où ils vont rester plusieurs semaines, faire de l'exercice physique sous contrôle médical, avec vraiment une remise en condition physique. Et en même temps, c'est important que ce soit des centres qui soient habitués aussi à, malgré tout, gérer les traitements immunosuppresseurs, à voir les problèmes arriver, à nous recontacter s'ils pensent qu'il y a des problèmes, pour ne pas laisser installer un problème qu'on n'aurait pas vu. Parce que ces patients transplantés sont initialement des patients fragiles, le temps encore de cette réadaptation. Et donc, il est extrêmement important qu'on ait un bon suivi avec des gens d'expérience qui peuvent voir les problèmes arriver pour pas ensuite courir derrière un problème et pas réussir à le résoudre. Ensuite, par rapport à ça, quelle est l'espérance de vie après une transplantation cardiaque ? Ça, c'est très variable. C'est très variable parce que forcément, on va transplanter des patients de 20 ans et des patients de 70 ans. Donc déjà, forcément, on comprend bien que l'espérance de vie va être différente. On va transplanter des patients qui arrivent avec une pathologie complètement différente. On a des patients qui sont des retransplantés, par exemple, même des troisièmes transplantations, des patients qui ont déjà été multiopérés et qui ont d'autres pathologies. Donc on ne peut pas donner un chiffre comme ça global. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le service, quand on regarde, on a une bonne série de patients qui maintenant ont plus de 25 à 30 ans de transplantation et vont encore plutôt bien. Donc forcément, il y a des patients qui, dans l'intervalle, risquent de décéder de pathologies intercurrentes, etc. Mais l'espoir, c'est de dire que il y a beaucoup de patients qui peuvent continuer à vivre de nombreuses années avec un greffon cardiaque. Et pour les patients les plus jeunes, faut savoir qu'à un moment ou à un autre, on peut être amené à les retransplanter. Alors derrière, il y a certainement tout un accompagnement, comme vous disiez, mais aussi tout un traitement qui est assez lourd tout au long de la continuité de la vie. Oui, alors ce traitement assez lourd, il s'appelle, c'est le traitement immunosuppresseur, pour le traitement qui est destiné à prévenir la survenue de rejet. Puisque si on ne met pas de traitement immunosuppresseur, eh bien globalement, il y a un surjet qui revient et le rejet va détruire le greffon. Ce traitement immunosuppresseur, initialement, il est assez lourd, notamment la première année. Et puis ensuite, on va pouvoir lever un peu le pied, diminuer les doses, parfois même diminuer certains et arrêter certains médicaments. On surveille son efficacité, bien sûr, par des dosages sanguins, mais aussi par des biopsies endomyocardique, des biopsies que l'on fait avec une petite pince à l'intérieur du cœur. Et en sachant qu'à côté de ce traitement immunosuppresseur pour limiter de rejet, on a aussi un certain nombre de médicaments qui sont là pour diminuer les effets indésirables du traitement immunosuppresseur. Par exemple, le traitement immunosuppresseur peut entraîner une hypertension artérielle. Eh bien, on sera obligé d'avoir des médicaments pour diminuer la tension artérielle si cela se produit. On peut avoir aussi un diabète induit par les corticoïdes, par exemple. Et donc, on sera obligé d'avoir des traitements contre le diabète. Donc, c'est vrai que qu'on regarde l'ordonnance d'un patient transplanté cardiaque, il y a quand même beaucoup de médicaments. Mais là encore, si c'est bien géré, si on fait attention, si on essaye d'optimiser pour chacun des patients, on peut rendre la vie des patients parfaitement confortable, même avec ce traitement important. Avez-vous pu identifier les différentes causes pour en arriver à la transplantation cardiaque? Alors, je dirais que les causes en termes de maladie. Oui. Il y a la moitié des patients, ce sont ce qu'on appelle des cardiopathies dilatées idiopathiques. Idiopathique veut simplement être un mot savant pour cacher la méconnaissance des docteurs, c'est-à-dire on ne sait pas à quoi c'est lié. Ça s'appelle idiopathique, on ne sait pas, on ne sait pas quelle est l'origine. Après ça, là-dedans, il y a aussi quand même des formes familiales, des formes génétiques. Quand je dis qu'on a une méconnaissance, les choses s'améliorent et on sait très bien qu'avec la génétique, on progresse sur la connaissance de ces pathologies. Mais ce sont des cardiopathies dilatées qui n'ont pas de cause spécifique, si ce n'est éventuellement une anomalie génétique. Et puis à côté de ça, une deuxième grosse partie des cardiopathies qui sont des maladies du cœur liées aux maladies coronaires. Donc des patients qui vont faire un infarctus, un gros infarctus ou plusieurs petits infarctus, parfois passés inaperçus, à tel point qu'au bout du compte, le cœur ne fonctionne plus bien et qu'il n'y a pas moyen de le réparer en faisant des pontages. Et donc là encore, il va falloir changer le cœur. Ça, c'est les deux grosses catégories de pathologies. Et puis à côté de ça, on a aussi certains patients qui ont des pathologies valvulaires, mais ça c'est nettement moins fréquent. Et puis il faut penser aussi aux cardiopathies congénitales, qui peuvent être une cause de transplantation cardiaque aussi. Cela demande-t-il après un régime alimentaire particulier ? Alors, le premier régime particulier, je dirais que c'est comme pour tout un chacun, c'est un régime raisonnable en tout. Déjà, si on applique ça, je crois que c'est déjà pas mal. Alors ensuite, les patients transplantés, du fait des médicaments qu'ils prennent, notamment des corticoïdes, sont un régime pauvre en sel, mais pas un régime sans sel. Un régime sans sel strict, le truc immangeable, ça n'existe plus. Oui. Un régime pauvre en sel avec 2 grammes de sel par jour, voire plus élargi si on peut. Là encore, on fait en sorte que les patients aient une bonne qualité de vie, et la bonne qualité de vie, notamment pour un patient français, ça passe par quand même une bonne alimentation, une alimentation bonne, c'est-à-dire bonne d'un point de vue de santé, mais aussi bonne d'un point de vue du goût. Donc ça, je pense que c'est important de travailler là-dessus. Donc ils ont un régime, oui, qui doit être raisonnable, mais la majeure partie de nos patients transplantés peuvent manger de façon raisonnable de quasiment tout, en faisant particulièrement quand même un petit peu attention au sel. Alors, la deuxième partie, je veux dire, la deuxième facette de vos interventions, on va dire, c'est avec des cœurs mécaniques, ce sont des cœurs artificiels, c'est bien ça? Oui, alors on a la partie mécanique. En sachant que dans cette partie mécanique, là encore, on a 2 catégories. On a le cœur artificiel total, où on enlève le cœur du patient et on met le cœur artificiel à la place du cœur du patient. Ça, c'était celui qu'on utilise toujours, qui est le Jarvik 7, qu'on appelle maintenant Syncardia, mais peu importe. C'est un cœur pneumatique qu'on utilise depuis les années 85-86. La première implantation, c'était même 82. Qui donne satisfaction, même si en termes de qualité de vie, c'est pas optimal. On l'utilise, en ce qui nous concerne, uniquement en attente de transplantation. Donc le patient qui se dégrade, qui n'a pas possibilité d'avoir un greffon tout de suite, eh bien, on va lui mettre ce cœur artificiel. S'il a une dysfonction des 2 ventricules, on va lui mettre ce cœur artificiel en attendant une transplantation ultérieure pour bien le stabiliser, le réhabiliter. Et puis toujours dans le cadre du cœur artificiel, on a plus récemment le CARMAT, qui est un cœur artificiel pareil, c'est-à-dire qu'on va enlever le cœur et le mettre à la place du cœur natif, mais qui lui est électrique, beaucoup plus sophistiqué, et dont on espère que les résultats, que l'on va montrer que les résultats peuvent être bons avec cette machine aussi. Bien entendu, on en est encore au balbutiement, on a besoin encore d'avoir un certain nombre d'implantations humaines, et puis un certain, je dirais, que la NSM, notamment en France, puisse quand même relâcher un petit peu les parapluies qui ont été ouverts au cours des premières implantations pour pouvoir faire avancer l'utilisation de ce cœur artificiel, parce qu'on a des patients qui en ont besoin. Ça, c'est lorsque les 2 ventricules sont malades et qu'on a besoin de mettre un cœur artificiel, qu'il faut remplacer les 2. On met un cœur artificiel total. Et puis, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les assistances circulatoires. Les assistances circulatoires ne sont réservées essentiellement aux patients qui ont une dysfonction uniquement du ventricule gauche, qui représente quand même, dans l'insuffisance cardiaque dont on parle, probablement 60-70% des patients. Dans ces cas-là, on n'est pas obligé de mettre un cœur artificiel, on peut mettre juste une pompe au niveau du ventricule gauche. Ça s'appelle une assistance circulatoire monoventriculaire gauche, puisque ça assiste que le ventriculaire gauche, et on est bien sur une assistance parce que là, on n'enlève pas le cœur. On laisse le cœur en place et on met la pompe en dérivation sur le cœur. Et la pompe, elle est là pour faire uniquement le travail ou remplacer le travail du ventricule gauche. Et l'avantage de cette pompe par rapport au cœur artificiel, c'est qu'à l'implantation, c'est un peu moins agressif, et qu'en plus, on a, si le cœur récupère, ce qui arrive une fois de temps en temps, on peut à distance enlever la pompe. Et ça donne une bonne qualité de vie. Donc on a des patients qui sont implantés soit, comme je viens de le dire, en attente de récupération, pour que le cœur récupère, enlever la pompe et continuer avec des médicaments. Ils peuvent être implantés en attente de transplantation. Le patient qui ne peut pas attendre qu'il y ait une dysfonction uniquement du ventricule gauche, eh bien ce patient, on l'implante avec cette assistance-là, il va attendre la transplantation. Et pour les patients qui ne vont pas récupérer mais qui ne sont pas candidats à la transplantation, on peut aussi l'utiliser de façon définitive, c'est-à-dire que le patient, notamment des patients plus âgés de 70, 72, 75 ans, ou des patients plus jeunes et qui ont une vraie contre-indication à la transplantation, eh bien ces patients, on va les implanter avec cette machine et ils vont faire le reste de leur vie avec cette machine, habituellement avec une qualité de vie qui est plutôt correcte. Aujourd'hui, on voit une évolution au niveau des technologies, que ce soit informatique et beaucoup plus largement, des technologies d'un point de vue général. Pour vous, quelles sont vos attentes ou quels sont les grands progrès nécessaires pour pouvoir vulgariser, si je puis dire, ces cœurs artificiels ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle miniaturisation. Tout ce qu'on a, c'est encore trop gros. Et quand j'en dis miniaturisation, c'est bien entendu à service rendu identique. C'est-à-dire faut que ça marche, ça c'est le prérequis, que ça marche aussi bien mais que ce soit plus petit. C'est vrai pour Carmat par exemple, il va falloir travailler sur une miniaturisation de Carmat si on veut l'utiliser chez plus de patients. C'est vrai aussi pour les assistantes circulatoires, même si elles sont petites, on a besoin d'assistantes encore plus petites. Ça c'est une des innovations, peut-être sur des ruptures technologiques d'ailleurs, dont on a besoin. La deuxième c'est la gestion d'électricité, puisque ça ces machines, beaucoup sont électriques, Et l'autonomie des batteries n'est pas encore suffisamment correcte. On le voit bien déjà avec les téléphones portables, donc on a le même problème avec les assistants circulatoires. Autonomie des batteries insuffisante et surtout, beaucoup nécessitent encore d'avoir un câble électrique qui passe à travers la peau. Et ça, en termes de qualité de vie, c'est pas fabuleux. Et surtout, en termes de risque infectieux, c'est pas fabuleux non plus, puisqu'on a un risque majeur d'infection sur le long terme. Sur 6 mois, c'est pas le problème. Sur un an, c'est pas le problème. Mais sur 5 à 10 ans, on a un gros risque infectieux. Et ensuite, lorsque c'est affecté, malheureusement, on a vraiment un impact négatif sur la qualité de vie des patients. Donc, il y a un énorme travail à faire de pouvoir faire passer l'électricité à travers la peau. Ça existe déjà, parce que dans les années 2000, on avait une machine qui était comme ça. Mais malheureusement, qui n'a pas rendu le service escompté. Mais ça s'appelle la transmission transcutanée de l'énergie. Ça existe. Le problème, c'est que pour la rendre parfaitement adaptée aux patients sous assistance circulatoire, ça nécessite encore un vrai travail technologique. Et donc, je dirais que la troisième chose, innovation dont on a besoin, c'est le big data. Aujourd'hui, chacun, même sur des registres, on gère encore. Je vous rappelle qu'on est sur des petits nombres. Hein. En France, tous les ans, les assistants circulatoires, cœur artificiel, c'est 200 implantations. En Allemagne, c'est 700-800 par an. Mais peu importe, ça reste des petits nombres. Donc si on veut pouvoir tirer des conclusions de ce que l'on fait en termes même de prise de décision, d'algorithme décisionnel, de mieux gérer les patients, mieux gérer les ventricules droits, mieux gérer les médicaments, il faut qu'on passe à du big data pour avoir plus d'informations. Et ça, on n'y est pas du tout pour l'instant. Dernière question, professeur. Au cours de l'évolution, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez tendance à remarquer une évolution de plus en plus de patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cœur, ou est-ce que ça a tendance à stagner ? Qu'en est-il exactement ? On ne peut pas dire que ça stagne, on peut dire que ça change. Par exemple, les complications de l'infarctus aigu ont largement diminué parce que nos collègues cardiologues, en urgence avec les stents, revascularisent les artères. Et là, on a vraiment une diminution très importante des complications liées à l'infarctus. Inversement, lorsque l'infarctus est grave et que le patient est en choc, on sait que la mortalité pour l'instant reste la même, par exemple. Donc ça n'a pas progressé. En termes de patients insuffisants cardiaques, on voit bien qu'on a toujours à peu près... On ne peut pas dire qu'on a une augmentation, mais il n'y a pas une diminution non plus. On est à peu près toujours dans les mêmes chiffres de transplantation, de nécessité de transplantation en France et dans le monde. On n'a pas de diminution, en sachant que probablement, là où on pourrait jouer de façon conséquente, c'est sur la prévention. Moi, j'estime qu'on a probablement un quart à un tiers des patients qui arrivent chez nous avec nécessité d'une transplantation, chez lesquels on aurait peut-être pu l'éviter ou la reculer si on avait eu une bonne prévention, une bonne prise en charge médicale préalable. Mais ça, malheureusement, c'est plus un problème de société qu'un problème, quoi. C'est un problème médical, puisque la médecine, c'est aussi un problème de société. Mais c'est vraiment un problème de gestion de la société, c'est de vraiment de faire en sorte que tous ces patients, même des patients qui, parfois, intellectuellement, n'ont pas accès aux soins, je ne dis pas financièrement, je dis bien intellectuellement, tout le monde ne pense pas forcément à se faire soigner, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est extrêmement important que ces patients puissent, soit d'un point de vue socio-économique, mais aussi d'un point de vue intellectuel, avoir accès aux soins, pouvoir faire de la prévention, pour finalement pas se retrouver 10 ans plus tard dans une nécessité de transplantation cardiaque. Vous parliez justement d'accessibilité, professeur. Est-ce que ces soins sont accessibles à toutes les populations ou à une certaine élite, si je peux dire? Et comment ça se passe au niveau des prises en charge? Parce que c'est quand même des soins qui sont très coûteux, très onéreux. Oui, tout ça coûte de l'argent. La santé, on le sait, on a toujours dit que ça avait un certain coût, même si ça n'a pas de prix. Mais en même temps, on vit dans un pays extraordinaire. C'est-à-dire que toute personne, déjà qui a une prise en charge, sociale, a un accès. Et je dirais que toute personne qui n'a pas de prise en charge sociale, on peut lui déclencher une prise en charge dans les mois très, très rapidement. Donc pour ça, c'est une grande chance pour les patients. C'est une chance pour les médecins aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement à s'inquiéter de savoir si nos patients vont avoir une prise en charge par leur assurance maladie, etc. Moi, pour avoir travaillé dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, la question se posait quand on voyait les patients en consultation, de leur proposer une transplantation, et le patient disait non, parce que mon assurance ne me prend pas en charge, point barre. Donc ça, on a la chance de vivre dans un pays extraordinaire qui permet de prendre en charge et de soigner les gens. Ça, je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Effectivement, il faut le redire et le repréciser. Professeur Pascal Le Prince, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes professeur des universités, vous êtes le responsable et chef de service de l'Institut de cardiologie au sein du groupe de hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Merci, professeur. Avec plaisir, merci à vous. Nous arrivons à la fin de notre magazine Libre-Échange. Et s'il y a une conclusion à faire, ce serait celle-ci. À mon idée, c'est que avant d'en arriver à la transplantation cardiaque ou à avoir un cœur artificiel, ce qui est important, c'est prendre soin de sa santé. Ça commence par l'alimentation, mais aussi par l'activité physique, à savoir que 20 minutes de marche active, hein, ça peut être monter des escaliers, par exemple, en évitant de prendre l'ascenseur, permet de réduire de 50% les risques cardiovasculaires. Donc, une bonne hygiène de vie, tout en ayant une activité physique en évitant des sédentaires permettent d'éviter ce genre de recours. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain magazine Libre-Échange. D'ici là, prenez soin de votre santé, elle prendra soin de vous. Libre-Échange, Sylvain Blondin.